la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de 18h, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Oh, mais c'est une nouvelle voix. C'est une nouvelle voix, effectivement. C'est la voix qui vient des Vosges. C'est la voix du sapin. C'est la voix du sapin. C'est ça, quand tu l'entends, c'est la mort. C'est ça, c'est sans cercueil, c'est top. Voilà. Salut Nadège. Salut Tristan. Content de t'avoir pour cette matinale de manière totalement impromptue. Tu étais tout de passage fait. Pour aller au Luxembourg. Tu t'es dit tiens, je vais m'arrêter à Nancy pour faire une matinale. C'est ça, et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous trois. Et bah voilà. Avec nous, bah, Jocelyn et James, comme d'hab, ça va les mecs? Ça va, ça et va. Toi le mec là? Ouais. Ah, j'adore ce côté testostérone dans le son de toi. C'est vrai qu'il y a du bonhomme là. C'est la testo crew. Oh mon salaud. Et je peux juste passer un petit bonjour à ma tata Catherine qui nous écoute également. Tata Catherine? Absolument. Bah, bonjour. Elle habite où? À Gondreville. Est-ce qu'elle a un surnom, tata Catherine? Tata Gongon. Tante Catherine, on l'appelle Tante Catherine. Tante Catherine. Pas mal comme ça, j'aime bien. C'est, voilà. c'est mignon, c'est cool. On change pas. Effectivement. Aujourd'hui, c'est la première de la saison. Et pas la dernière. Avec pas de nouveauté, c'est ça qui est la nouveauté. Oui. C'est qu'il y a quasiment pas de nouveauté. On a essayé de rien changer alors qu'on avait dit qu'on changerait tout. Ouais, c'est ça. Et les vacances passent vite. Oh oui. Oh, trop c'est vite. Hallucinant. C'est pas qu'on n'aime pas travailler, c'est juste que les vacances passent voilà. vite. Et l'émission aussi, tellement vite qu'on va attaquer tout de suite avec le journal. Le journal, c'est dès maintenant. Et on commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James, enterrement de la reine Elisabeth, l'absence remarquée de Vladimir Poutine, mais le doute sur une éventuelle tension vis-à-vis du président russe. En effet, de nombreuses voix s'indignent de l'absence du président Poutine. Qu'avait-il de mieux à faire? Serait-il un amant et conduit de la reine? Beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Pénurie de profs, un lycée expérimente une classe entièrement éduquée au rediff de C'est pas sorcier. Un de nos confrères a recueilli la réaction de Fred, on l'écoute. Eh dis donc Jamy, je suis actuellement le prof principal d'une classe de terminale. Je vais leur coller un devoir maison, ils vont rien comprendre, pas vrai Jamy? J'adore. C'est excellent. T'as eu un entretien comme ça. J'aurais dû faire sans transition la suite, mais je voulais te laisser dans la mousse. Plus d'un Français sur deux se dit prêt à tout plaquer pour devenir millionnaire et vivre au bord de la Côte d'Azur. Et dans ce même sondage, on apprend que seulement 7% des Français seraient prêts à tout plaquer pour devenir clochard. Juste comme ça pour déconner. Et que 41% des Français se disent capables de proposer de meilleures thématiques de sondage que celle-ci. Ah ouais. Merci James pour mal, hein. ces informations ah bah nationales fouille. Et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. On va dans les Vosges. Il se filmait faisant l'amour à ses poules. La première poule vient d'accoucher. C'est un heureux événement que vivent les Vosges aujourd'hui. La première poule mutante est née, 37 cm au carreau. Elle pèse 3,8 kg et a les yeux verts. On salue le père Roger et la maman Coquette qui sont à l'honneur aujourd'hui dans les Vosges. Coquette. Contre la sécheresse, le département des Vosges, toujours les Vosges d'ailleurs, vient de décider la construction d'un barrage sur tous les cours d'eau juste avant qu'ils ne quittent le département. Exactement, c'est le collectif Les Vosges-Vosgiens qui sont à l'origine de cette idée qui peut paraître farfelue certes, mais qui fonctionne bel et bien. En effet, l'hygrométrie ambiante restera à son beau fixe et suffirait pour avoir un 25 degrés pépère en période de canicule. Affaire à suivre pour l'été prochain. Et enfin, cinéma, on cherche des figurants. On cherche des figurants pour le biopic de Francis Holm. C'est ce qu'a annoncé la ville de Metz, voulant retranscrire les grandes lignes du routard du crime. 9 personnes seront sélectionnées sur leur faculté à jouer la mort. Vous avez l'accent alsacien à en décrocher les dents. N'hésitez pas, il manque encore un acteur pour le premier rôle. Merci. J'attendais encore une fin de chute avant pour le premier rôle. Pour le premier rôle. Voilà. Et alors? Pour le premier rôle. Pour le premier rôle. Voilà. Merci pour ce mais flash info. On plaisir. Se retrouve pour le prochain flash vers 18h30. On passe tout de suite à la météo. La météo. Le soleil rôde en cachette, veut jouer les troubles fêtes, faire dorer tes roues flaquettes, te sauver de la défaite, rendre ta journée parfaite, remercie-le et son prophète. La météo de Fadjet. Waouh. Je m'attendais à un moment à une quéquette, mais ça a été très dur, très fort, c'est très fort. Ça a été très dur de l'éviter. C'est tout. Waouh. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Bravo. Alors là, j'ai pas le. Ah si, je l'ai là. Je l'ai. Voilà. Bravo. Bah tu gardes la main parce que ça va être bientôt l'éphéméride. Mais avant ça. Alors je garde la main et je la donne à Jocelyn. Ah et okay, oui, d'accord. C'est Jojo qui fait vrai. L'éphémo. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. En fait, mais c'est la nouveauté de l'année, c'est qu'on a échangé météo éphéméride. Mais ça peut rechanger. La nouveauté peut redevenir basique. Est-ce que je peux placer Rammstein avant? Sur, avant l'éphémé. C'est un choix de Nadège. Rammstein. Mein Herz brennt. Ce qui veut dire. Mon cœur brûle. Mon cœur s'envole. Brûle. Angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich ein Mann gegen Mann. Ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin die Ecke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch friert mein Herz. Rammstein, Mann gegen Mann. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Au aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2022 et nous souhaitons une bonne fête à tous les Maurice et les Mauricettes. Vous savez, ce prénom redouté du grand public depuis que le bouchon a été poussé un peu trop loin par son homonyme. Le 22 septembre, c'est aussi le 265e jour de l'année, ce qui veut dire qu'on est à J-100 de la fin de l'année. C'est aussi le jour de la mort du mime Marceau, connu pour avoir mimé en premier le moonwalk de Jackson Michael. Est-ce que vous le saviez ça ? Oui. Ça va, toi ? T'es toujours tout. C'est insupportable, je pose des questions. Non, mais Jackson Michael, on dirait le nom du sosie de Michael Jackson, tu sais, genre c'est Jackson Michael. C'est ça, ouais. Et ben, Marceau aurait mimé en premier le moonwalk de Jackson Michael. Avec les mains ? Avec les pieds. Ah, d'accord. Il aurait appelé ça la danse du qu'on me volera. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre la danse de la lune à l'envers. Mais c'est attends, horrible. C'est vrai du coup ? C'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, sauf oui, le nom de la danse. Oui, ils sont plusieurs fois. Oui, oui, ils se sont rencontrés. Il y a eu un crossover, hein, il y a eu un featuring. D'accord. Il est mort quand ? Arrête avec les mots anglais, s'il te plaît. Tu les maîtrises pas du tout. En plus. C'est pour ça que je l'ai dit. Ouais, crossover featuring, ça veut dire quoi ? Bah, crossover, moi, crossover, c'est dans un jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah oui. C'est la nouvelle de ces crossovers. Quand c'est qu'il est mort ? Il est mort le 22 septembre. Quelle année ? Je ne sais pas. D'accord. Si, non, je n'ai pas la date. Mais j'aimerais aussi vous parler d'un Jorge González. Est-ce que vous savez qui est Jorge González ? C'est le père de Speedy González. Ça aurait pu, mais alors, ça ne l'est pas. C'est Jorge, déjà. Ah mais waouh, mais toi, de nouvelle saison, ça y est, t'es taquin. Vas-y, alors Jorge González, qui c'est ? C'est un footballeur uruguayen. Raté, c'est un catcheur. De la WWF. Non, c'est américain. Et la particularité de Jorge, c'est qu'il a tenu que un an là-bas, dans la WWF, parce qu'il s'est battu contre Undertaker, tout très connu Undertaker, mais pour se battre, il a utilisé du chloroforme. C'est-à-dire qu'à la télé et en live, il a endormi l'Undertaker avec du chloroforme. Et j'ai trouvé ça très drôle qu'il soit mort aujourd'hui. Enfin bon, c'est moins drôle qu'il soit mort aujourd'hui, mais c'est très marrant qu'il ait tenu qu'un an. Il est mort aujourd'hui ? Il est mort aujourd'hui en 2017. Du diabète, d'accord. Il est mort du diabète. Il est mort aujourd'hui, il y a 5 ans. Exactement. Mais il n'a pas été connu que pour l'homme au chloroforme. Il a été. Il est mort en tant qu'acteur. Avant tout, il a joué dans Alerte à Malibu. Il a joué un migrant. Voilà, c'était son seul rôle. Mais oui, bien sûr, saison 8, épisode 14. Saison 8, épisode 14, ouais. À côté de Pamela. Moi, j'ai qu'une chose à dire. De service compris, les anecdotes de Rodolphe. Exactement. Clairement, c'est une González. Anecdote de Rodolphe, ça. C'est ça. Il était acteur dans Alerte à Malibu. À votre avis, il jouait qui ? Le serveur de Malibu. Et non, un migrant, saison 14, épisode 8. Et il est mort du diabète en 2017. Ah, tu fais des quiz sur les trucs que tu viens de dire. Exactement, maintenant. Exactement, parce que je sais que vous ne me suivez pas. Ah, d'accord. Ni toi, Nadège, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'habitue à l'émission, là. Voilà. D'accord, tout doucement. Okay. Et donc, pour finir l'éphéméride, parce qu'on finit sur une belle mort, mais en même temps, il faut finir sur quelque chose de plus jovial. Il y a le fameux dicton du 22 septembre qui dit, je reprends mes mots, « Semi de Saint-Maurice, récolte à ton caprice. » Donc, n'hésitez pas à planter des graines si vous pleurez souvent. Mmh. C'est pas plutôt, il faut semer des Maurice ? Semer des Maurice, récolte... Des Morissettes. Des Morissettes, ouais. De récolte des Morissettes. C'est ça, puisque l'arbre ça, bon, Maurice fait en fruit des Morissettes. Et qui fait l'éphémérine ? C'est toi. Mais c'est vrai, c'est semer des Maurices. Et vous aurez quelques Morissettes. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mon plaisir. Pour cette éphéméride du 22 septembre. D'aujourd'hui, quoi. Qui s'est passé aujourd'hui, en plus, de la même année. Et c'est ça qui est formidable. Oui. Et on enchaîne avec l'horoscope. Mais c'est pas l'horoscope de n'importe qui, c'est l'horoscope de Nadège qui est Verseau. Ah attends, bah tu vas voir, mais c'est juste après Madness de Muse. Oh ouais. C'est la vraie chanson en plus, non ? Ouais, The Real. Ah, ouf, on c'est a la vraie chanson. C'est bizarre. I can't get these memories out of my mind. And some kind of started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. Yeah. some kind of madness was taking control. Yeah, and I have finally realized what you need. Mal comme musique. Hein. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. J'adore, c'est tellement solennel comme voix. Merci Gadon encore de donner ta voix pour cette chronique de l'horoscope. Et l'horoscope, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 septembre et c'est l'horoscope de notre invité spécial, notre guest, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Nadège. Nadège, tu es Verseau. Je suis Verseau, oui. Tu disais. Et ton actualité aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu ne savais pas que tu allais faire une émission de radio. Ah non, ouais. C'est ça, hein? J'ai été contactée hier pour pouvoir faire une émission aujourd'hui parce que j'étais de passage sur Nancy. Pour aller? Pour aller au Luxembourg faire chercher un catch impro. Ah non, voilà. Et la journée est chargée, mais c'est tout chargée. Ce que j'aime. Et en fait, si tu lis ton horoscope, faut que tu fasses attention. Parce qu'en travail, éviter les actions inconsidérées. Quelque part, je me tourne vers mes chroniqueurs et experts En astre. En astre. Travail, ouais. Ouais, effectivement. Je pense que c'est too much aujourd'hui. Une émission de radio, un catch impro que tu n'as jamais fait. Une émission de radio que tu n'as jamais fait. Jamais fait non plus. Et un déplacement, parce que c'est pas non plus. Un déplacement au Luxembourg que tu n'as jamais fait. Hein, pas pour le catch en tout cas. Ah oui. Ah, tu es déjà allé au Luxembourg quand même une fois dans ta vie. Quand vous dites catch d'impro, est-ce que ça a à voir avec Jorge González ou pas du tout, dont on parlait tout à l'heure? Je crois que c'est en son hommage. Il sera là ou pas? Bah non, il est mort aujourd'hui. Il y a 5 c'était ans. Une question voilà. Piège pour voir si elle répondait bien. C'est le deuxième quiz de l'éphéméride. C'est incroyable. Du coup, j'enchaîne avec la phrase suivante. Faites preuve de mesure et de clairvoyance dans tous vos actes. Ah oui. C'est là où je me dis, est-ce que c'est pas too much? À partir du maintenant moment maintenant que tu sais ça. À partir du moment où je fais ça pour le loisir, on peut dire que c'est pas du travail, c'est pour s'amuser. Ah non, mais tu sais que ta participation ici te vaut un chèque de direction Fadjet. Quelques stickers Fadjet. C'est sticker. Beaucoup stickers, c'est pour la voiture ça. Faut voir qu'on est très très bien payés nous autres hein, ici. Ah oui, ah oui. On fait partie des salaires les plus élevés de Nancy en fait. Je pense qu'on on contrôle un peu la ville. Derrière la voici nationale, bien sûr. Oui. Effectivement. La voici nationale. Donc, tout ça pour dire que, attention. Attention parce que tu peux aller droit dans le mur et le mur, c'est peut-être avant le Luxembourg. Si on parle. Alors, là, pour ce qui est travail, bon, bah voilà, on a fait le tour. Ouais, c'est vraiment attention. Alors, amour, qu'est-ce qu'ils disent Là, en fait, c'est prête une oreille attentive à un parent. Ah. À un parent. Oui, à un parent. T'as toujours été attiré par les gens plus amour, vieux ça? Ouais, il a vraiment besoin de vous et votre présence aujourd'hui. Est-ce que franchement, c'est le moment d'aller au Luxembourg? Ah oui. Alors que t'as un parent qui a besoin de ton aide. Si je me réfère à ce que t'es en train de me dire, je suis en train de me dire que je fais une bêtise, quoi. Tu culpabilises pas? Un petit peu. Bah, ça serait peut-être bien. Est-ce que t'es anxieuse, là? Moi, je le serais à ta place. Nadège, il a encore temps de faire demi-tour. Nadège, ouais. Tu devrais déjà sortir de ta voiture. Si tu veux, là, abréger l'émission et partir parce que ton père t'appelle, il faut y aller. J'ai plus de père. Merci. Merci de me le rappeler. Alors, Noir Désir. Du coup, sombre héros de la mer. Et après, on se retrouve pour l'invité politique. Non, mais c'est vrai? Non. Mais j'ai la musique la en plus. La matinale de 18h. Ah. Ça, c'est la décodale, ça. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est le gros malaise sur le plateau, je peux vous dire. Si le malaise est palpable. Hein. Allez, à tout à l'heure pour l'invité politique. Sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. L'absence ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Noir désir aux sombres héros de la mer. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Et bonjour à tous et à toutes, c'est aujourd'hui un vrai plaisir de recevoir dans notre studio Nicolas Sarkozy, accompagné de sa chère Carla, Carla Bruni. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Donc, Nicolas Sarkozy, pour vous remettre le contexte, pourquoi vous êtes ici et pourquoi Carla est avec vous? Vous êtes, sur cette saison 2, le parrain de l'émission. Si on a bien compris, vous êtes un petit peu le gourou de cette émission. On est un petit peu le parrain et la marraine, bien sûr. C'est un petit peu... C'est formidable. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu ému. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes parrain et marraine d'une émission de radio telle que la nôtre? Ou alors peut-être à moindre échelle, peut-être une plus petite émission, vous avez commencé peut-être? Alors, non. Moi, j'ai jamais été marraine. Jamais t'étais quand même marraine de pièces jaunes, quand même. Ah, des pièces jaunes, oui, mais jamais à la radio. Ah oui, oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas fait. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de la chant. Mais non, c'est un beau studio que ça fait là. Hein. Ah oui, et. Très beau studio. Hein. Donc, c'est votre première radio, c'est votre première fois que vous êtes parrain marraine d'une émission de radio. Est-ce que vous avez des projets pour cette saison 2? Est-ce que vous avez des petites envies, des petits plaisirs, un choix musical différent, des invités plutôt. Bah, j'aurais bien aimé que ma femme passe un petit peu dans les bien sûr, dans les chansons. C'est prévu. C'est prévu. Oui, mais c'est prévu. C'est très bien sûr. C'est très bien. Oui, monsieur le président. C'est, j'aime beaucoup monsieur Tristan. J'aime c'est beaucoup. Vrai oui. Vous m'écoutez beaucoup. Je vous écoute très énormément. Oh. Oui. J'aime beaucoup. D'accord, bah merci. Mais en fait, si vous voulez, quand on vous a demandé d'être parrain et marraine, on s'attendait pas du tout à une réponse positive de votre part. Par rapport on aime surprendre. Ah bah là, c'est gagné. Hein. Et voilà. C'est aussi qu'on n'a absolument rien à faire de nos journées. C'est aussi ça. Carla fait beaucoup de mots croisés. Et moi, comme je ne connais pas trop les lettres. Mais je pense que Radio Jéricho doit être assez vénère de savoir qu'on a comme parrain et marraine de cette saison de la matinale de 18h le couple présidentiel, l'ancien couple présidentiel. Et ça, c'est pas rien. Et vous savez quoi, Tristan? Je vais vous faire une confidence. Oui, allez-y. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Radio Jéricho, ils m'ont proposé. Ah ouais, je leur ai dit non. Ah ouais. On s'était déjà engagé avec vous. Et pourquoi alors? Ah, c'était parce que vous étiez déjà engagé avec nous. D'accord. Et vous avez qu'une parole. Tout à fait. Ah, ça fait plaisir. Oui. Oui. Oui. Et pour cette saison 2, vous êtes donc parrain, marraine. Vous avez mis sur la table un certain chèque. Vous avez forcément envie de faire des grandes choses et de la récupérer à la fin de cette saison. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi nous. Pourquoi tant d'investissement de la fois humain, financier, et puis même le jet pour venir jusqu'à Nancy, au moment, bah, ça a un certain coût. Quelle indignité, monsieur Jocelyn. Pardon, parler d'argent comme ça, alors que là, nous sommes ici pour donner du plaisir. Non, nous ne parlons pas de ce genre de sujet. C'est des questions que les auditeurs voulaient savoir. Nous sommes sur le service public. Plaisir. Il faut savoir, voilà, ça nous fait plaisir. On ne parle pas d'argent, l'argent c'est sale. Et bon, on va conclure sur ça. Vous êtes venu par plaisir, on peut par même passion. Conclure d'ailleurs. On peut, moi je que, bah oui. Vous concluez. Je suis choqué, je suis ému. Bah, excusez-moi. Vous perdez vos mots, monsieur Chosselin. Oui. Donc je conclue sur une bonne vibe sur cette saison 2. On est accompagné de très grands noms hein, de la France. Donc ça fait très plaisir de vous recevoir, bien sûr. Et puis ça sera avec un grand honneur qu'on vous recevra. Carla, pour une prochaine émission, pourquoi pas. Bah, merci. Merci à vous. Partager. Du coup, je laisse mon micro ici. Ah bah t'as vu, chérie, c'est toi. Comme freine les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Carla Bruni, quelqu'un m'a dit. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h30, passé de quelques minutes et quelques secondes. C'est le journal présenté par James et par Jocelyn. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales présentées par James. Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps annonce qu'il interdira à ses joueurs de regarder les matchs de l'équipe de France à la télévision. Un geste fort pour protester contre le Qatar. Le sélectionneur national a également indiqué que ses remplaçants ne seraient pas non plus autorisés à regarder le match et a préparé des mots fléchés de protestation pour les occuper pendant les rencontres. Pour inciter les Français à économiser en chauffage cet hiver, l'État conseille aux ménages d'installer des posters de plage ensoleillés. Selon le porte-parole du gouvernement, la sensation d'avoir froid, c'est dans la tête, et c'est contre cela qu'il faut lutter. France 2 diffusera par ailleurs une rediffusion d'un des feuilletons de l'été pour aider les Français à avoir moins froid en décembre. Très bien. Retour sur la grande polémique de l'été. A-t-on vraiment marché sur la Lune ? Oui. Merci, merci James pour les informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Il a fait froid ce matin, et si le réchauffement climatique c'était fini? Jeudi 22 septembre, 8h du matin, Philippe sort de chez lui pour aller chercher son pain à la boucherie du quartier. Philippe est climato-sceptique et refuse de croire que le réchauffement climatique perdure avec le froid qu'il fait de bon matin. Mettre une laine en septembre est pour lui la preuve ultime que le gouvernement nous ment et que c'est un complot pour nous faire acheter des ventilateurs en été. Merci. Polémique en Lorraine. La cuisine lorraine ferait grossir. C'est ce qu'a annoncé la FGF, Fédération des Gros de France, en comparant la salade de tomates du Sud au pâté lorrain et le jambon beurre parisien à la croziflette au Munster. La conclusion est hors d'appel, la FGF conclut même que pour faire un régime, le déménagement serait plus qu'envisageable. Au Munster. Merci. Ouais, j'ai dit Munster. Ouais. Munster. Ouais. Mais je voulais vous faire tiquer, monsieur Tristan. D'accord, très bien. Il ne supporte pas la piétonnisation du centre-ville de Nancy. Il ne supporte pas les pistes cyclables. Un ancien diagnostiqué vieux con. Surpris en train de décoller des affiches, Gérard Picon a été entendu par les forces de l'ordre nancyennes. Il aurait déclaré un ras-le-bol complet des nouvelles restrictions anti-voiture promulguées par la ville. Il regretterait également les cabines téléphoniques, les restaurants relais routiers. Monsieur Picon a été diagnostiqué vieux con et sera pris en charge par le CHU de Brabois. On lui souhaite un bon rétablissement. Oh oui. Tout de suite, on passe à la météo. La météo. Et ça part fort, on a des rayons de soleil du côté de Gondreville et dans toute la périphérie de Nancy en ce 22 septembre, et c'est très rassurant hein, compte tenu des températures de ces derniers jours. Mais attention, attention à l'arrivée de la pluie qui va peut-être faire son apparition et déboulonner ce soleil qui essaye de s'accrocher. Aïe, aïe, aïe, ouais, le soleil est du mal, il commence à coincer, il est à peine, là, il craque. Ouh là là là, il craque dans ces derniers hectomètres du mois de septembre. Et c'est la pluie qui s'abat, c'est la pluie qui domine, c'est la pluie qui vient prendre le contrôle du ciel et qui va mouiller nos paysages comme je viens de mouiller mon micro. Merci, merci wow. Sur place, James. Rentrez bien chez vous. Merci. Voilà, merci, on vous attend dans les locaux de Fadjet. C'est le retour de l'émission phare de la matinale de 18h, à savoir les grosses fesses. Un ensemble de questions sur l'actualité de la semaine dernière, ou pas forcément, ça peut être aussi autre chose. Avant, c'est un choix de James, REM, c'est bientôt, hein ? Absolument. Ouais, Losing My Religion. See you later. Ooh. Losing my religion. On dit pas R-I-M si on veut se la faire. Ah, si tu veux, oui. Anglais, tu peux, ouais, tu peux dire REM hein, si tu veux. Ouais, REM. Ah, j'aimais bien ça quand j'étais petite. Losing my religion. Oui, c'est vrai que c'était bon ça. Ouais. Mais j'étais ado. Et bienvenue dans l'émission phare des grosses fesses. Il y a Nadège qui découvre le générique en même temps. Hein, ouais. Je peux dire qu'on l'a cherché celle-là, hein, on l'a trouvé. Et le son n'est pas forcément super super sur YouTube. Là, ça donne une idée, hein. Ben, c'est pas le problème. Ben voilà. Et autour de cette table, je rappelle, nous avons James. Bonjour James. Bonjour. Ah bonjour. Nadège, Nadège, tel l'ovni de la matinale de 18h. Elle arrive, elle repart, on la revoit plus. C'est ça. Et ça a été un plaisir de t'avoir. Même s'il reste encore un bon gros quart d'heure d'émission. Et Jocelyn, Bonjour Tristan. Le roi de la musique, celui le qui roi choisit toutes les musiques. Le mais DJ, oui. Le DJ de l'émission. I am the DJ. Et voilà, et on part tout de suite, allez, avec une première question. Attends, je vais baisser un peu le piccolo. Et ouais, je vais commencer par celui-là. Quel est le livre le plus lu? Alors, la Bible. Ouais. Alors, je sais pas si c'est dans le monde, on va dire que c'est dans le monde. Mais le plus lu en 2022 ou en 2021? Ouais. Parce que dans ce cas-là, c'est pas forcément la Bible, peut être le Da Vinci Code. Alors, la Bible est dedans. La Bible est dedans. Il n'en reste qu'un. Harry Potter est dedans. Bah ouais, oui, ouais, bah clairement, ouais, il en reste le trois. Coran, peut-être, non, quand même. Ah ouais, le Coran. Non, non. Oh non. Moi, ah bon. Ah d'accord. Okay. Ouais, non, pas le Coran. Mais il y a pas que les trois. Est-ce que c'est un manuel scolaire? Ah oui. Ah, il y en a un. T'es bon, toi. Je pense que oui, parce que. Ah, le l'art de la guerre. Les accords. Ah ouais, mais non. Les accords Toltec. Non, c'est parce que c'est le plus. Non, mais je vais vous en donner un parce que. L'alchimiste, c'est quoi? C'est un roman ou c'est... C'est un roman, ouais. Ah, c'est un roman. Ah, d'accord, ok. Visiblement, c'est très connu. Totalement inculte. Et après, il y en a un qui a fait l'objet d'une série aux États-Unis. Ouais. Brooklyn Nine-Nine. Avec... Non. Avec... c'était assez en mode... ça se passe très tôt le matin. Et il y a Friends. Ah bon? Oui, il y a eu un livre, Friends. Qui d'accord. Passait très tôt le matin. C'était le script. Voilà, exactement. Scénario. Non, mais il y a des. Je crois qu'il y a des vampires ou des trucs comme ça dedans. Twilight. Buffy, oui, Twilight. Ah, mais attends, c'est pas en 2022. Ça a plus personne ni Twilight en 2022. T'es en retard, c'est pas grave. Bah, c'est parce que les films, ils sortent toujours au cinéma. Voilà. Les Twilight. Et puis bah oui, Twilight 8. Alors, le dernier, justement, il est intemporel. C'est une œuvre française. La Bible 2. La Bible 2, oui. Yes. Après Vatican II, la Bible versus. La Bible wesh. La Bible versus Godzilla. Ah ouais, oh non. Bientôt sur vos écrans. C'est un Marc Lévy alors. Oh, peut-être. Ah non, je pense que c'est beaucoup plus c'est à la recherche du temps perdu. Non, mais c'est vraiment un livre L'étranger. Qui a fait le tour du monde. Ah. Non, c'est plus, Jules Verne. Alors, c'est la même période que Jules Verne. Les Rougon-Macquart. Moby Dick. C'est pas Jules Verne. Monte-Cristo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme écrivain très connu en France du même moment que Jules Verne? C'est Hugo. Robespierre. Oui, Hugo. Oh, Homère. Les Misérables. Et ben voilà, Les Misérables. Bravo, effectivement, Les Misérables qui est un. Donc, ça fait les 5 points pour moi. Alors, je sais pas combien de. Je crois que c'est 70 ans. C'est 70 ans pour avoir les droits après la mort. Après la mort, ouais, donc là non, c'est 100, non, mais je crois que ça a changé en 2022, je ne sais pas. Non, allez, question suivante. Allez, go. Ah, je sens chaud là. Ah, je suis bouillant. C'est parti. Allez, les carnavals les plus célèbres ont lieu où? Alors oui, on a Dunkerque, effectivement, bien sûr. On dit pas les carnavaux, c'est vrai. C'est comme les festivals, carnaval, carnivaux, c'est ouais. La même famille. D'accord, voilà. Oh, c'est condescendant ça. Oh, non. C'est une explication. Pardon. Bah, les carnavaux les plus connus, alors bon. Dunkerque, c'est vraiment connu en vrai. Ouais, bah oui. Ah bah oui. Ça va. Si c'est le carnaval où tu t'amuses le mieux avec une bière à la main. Je dis rien. Il y en a deux. Ah non, si. Rio. Alors il y a Rio, oui, bien sûr. Nice, oui. Venise. Nice. Mais c'est Venise, c'est France, effectivement. Mais tu es une experte carnaval. Ouais. Et il en reste un. Mais alors, si vous le trouvez, celui-là, c'est en France. Je savais même pas qu'il y avait un carnaval là. Bon, c'est Remiremont. Quand? Bah, on aurait pu mettre Miremont, parce qu'effectivement, il y en a un beau à Miremont. C'est vrai. Non, c'est pas Caen, mais ça commence comme Caen. Cannes. Cherbourg. Oui, tout à fait, Cannes. C'est ça. Ouais, je savais même pas qu'il y avait un carnaval à Cannes. Je savais pas non plus. Je pense qu'il doit y avoir un bug. C'est le Cannes Raval. Oh ouais. Elle est bonne. Voilà. On va la garder. Allez, un petit dernier avant la musique. Quel est l'animal le plus regardé dans le zoo? L'humain. Par tous les animaux d'un cage. C'est beau ce que tu dis, c'est philosophique un peu. Je suis Albert Camus. Bah, on dit pas que l'homme est un loup pour l'homme. C'est Camus, aussi, Camus. C'est vrai qu'on dit ça. Moi je suis Camus. C'est Albert Camus. Alfred Camus. Il est romain, je crois. Il est roumain. Il est roumain, oui. Camus. Camus. Camus. Donc oui, quel est l'animal le plus regardé du zoo? Ah bah c'est le lion. De alors, tous les zoos. Le lion, il y a le lion, of course. Il y a le lion. Le tigre. Il y a le tigre. Le serpent. Non. Mais en fait, tu fais la liste de tous les animaux, donc c'est pas. La baleine bleue. Il en reste deux là. Le chacal. Le dauphin. Non. Alors c'est ça. Et c'est terrestre comme animal. On a dit les singes. Non, bien. Voilà. Et il en reste un. Mais les tortues.

just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Eminem qui fait du featuring avec Rihanna, Love the way you lie. J'aime l'amour que tu mens. Finale de 18h, oui. L'émission qui est bien. J'aime la façon dont tu mens. J'aime ta façon dont tu mens, l'amour. Le love, quoi. Et c'est la suite de suite et fin d'ailleurs de l'émission Les Grosses Fesses et avec une question à mon avis qui allez, je vais pas vous aider, elle est un peu tordue la question là, enfin les réponses sont un peu tordues je trouve. Citez un criminel connu de tous, donc il y en a 5 hein, comme d'habitude. Francis Hall. Mesrine. Alors c'est là où je suis deg, c'est qu'il y en a pas un de Lorraine. Ah bon ? Pourtant on a Francis quand même un potentiel. Hall, quoi. Simone Weber, non. Non, Mesrine, il y est ou pas ? Oui. Ah ouais. Bravo, Michel bravo. Fournieret. Non, non. Alors, non. Marc non. Dutroux. Ouais. Non, non plus, t'imagines ? Émile Louis. Non plus. Et attends, c'est dingue. Il n'y a pas non plus de gens de Lyon. Ne quoi. Cherche pas trop. Là, il faut vraiment. Français ou pas français ? Il y en a, bah, y en a qu'un. Je sais même pas s'il est français, mais il a fait ses actes en France. Édouard Romain d'Argent. Non. Non, non, non, non, non. Al Capone. Kaiser Sosé. Oh oui. Kaiser Sosé, mais ah c'est ouais. Un joueur de foot ça. Non, c'est dans, non, c'est Franck dans... Sosé, le joueur de foot. D'accord. Ah, c'est dans, okay. Dans un film. Ouais, c'est dans. Ah, je pensais que c'était basé sur des faits réels en fait. Ouais, non, non, non, non, mais c'est. Alors, je vais vous aider parce que. Oui, s'il te plaît. Ouais, ouais, il utilisait un couteau. C'était en Angleterre. Jacques Léventreur. Ouais, bravo. Ah oui. Lui, c'est pendant les attentats en France. Mohamed Merah. Merah, ouais, effectivement. Il avait une petite moustache. Hitler. Ah oui, bravo, oui. Ah bah mais c'est bah, pas oui. La même chose là quand ah, même. Non, bah, et, non, bah non, c'est pas ça. La même catégorie. C'est pour ça que oui, c'est pour ça. La question est tordue, effectivement. Il a jamais tué de main propre. Moi, si, je pense que si, je pense que si. Mais bah, il s'est tué lui-même quoi. Déjà. Et... Mais c'était un ouais. Bel acte ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore que non, parce que comme il savait qu'il avait perdu, il aurait pu se rendre. Mais non, c'est même ça, tu vois, c'était pas cool. Et le dernier, alors c'est pas une petite moustache, c'est plutôt une grande barbe. Mussolini. Ah non, non, non. Là, on est plus à l'est que Mussolini, beaucoup plus à l'est. À l'est. Avec une barbe. C'est le. Ah, c'est un. Il a vu du pétrole. C'est un chinois ? Ah, bah c'est Ben Laden. Bah voilà, Ben Laden. Ah, ouais. C'est n'importe quoi. Là. Non, ouais, c'est n'importe quoi, ouais. Effectivement. Bizarre, c'est n'importe les quoi. Questions, quoi. Ah. Ouais. Oh, bah allez, tiens, ça. Allez, qu'est-ce qui caractérise les Françaises d'un point de vue étranger ? Alors, la mode. Je ne comprends pas la question. Ah, la raf. Ah ! Non, mais c'est un adjectif. Un adjectif. Élégante. Élégance. L'élégance, il y est, effectivement. Les Françaises, c'est hyper sexy. Ouais, les Françaises. Oh, mais je suis pas française, moi. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la flûte derrière ? C'est surtout qu'il faut que vous parliez, en fait, parce que si vous ne parlez pas... Alors, il y a l'élégance, il y a aussi la beauté, la... Oui, la beauté. La délicatesse. Non. La tendresse. Visiblement pas l'humilité, parce que... Ah, ouais. Ah bah le français est connu pour être arrogant, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est d'un point de vue des étrangers, quand même. La beauté, t'as dit déjà la beauté ? Ouais, ouais. Ah bah oui. Ouais, ouais, effectivement. La grâce. Non, mais allez, le luxe. Oh oui, le luxe. Non, le l'embourgeoisement. En fait, elle est nulle cette question. Bah ouais. Ah, je vais vous donner les réponses. Est-ce qu'on n'irait pas virer les rédacteurs de questions de ouais, Fadjet, c'est ça, ouais. Parce qu'il y avait le romantisme, la sensualité et le charme. Ouais, bah, allez, la Alex, quoi, charme, allez, là, alors, celle-là, elle est. Je regarde le temps qui nous reste. Est-ce qu'elle est certifiée marrante? Alors que la elle est certifiée marrante. Ouais, allez, elle est 5 sur 5 en marrant. Parfait. Dans quelle partie du corps peut-on faire des piercings? Oh, le allez, nez, faites-vous plaisir. Le nez. L'oreille. Le nombril. Le nombril. Le prince clitoris. Albert. Le clitoris. Alors, ils mettent le sexe. Donc, ouais, voilà. Les tétons. On peut faire sur le. Le prince Albert. Pour le monsieur. C'est le prince Albert. Non, c'est une partie du corps, ça, le prince Albert. C'est au niveau du monsieur. Non, mais en fait, c'est le nom du piercing mâle. Bah, sur l'appareil reproducteur. Ah, parce que ça fait l'oreille. Non, c'est parce qu'en fait, Albert de Monaco. C'est parce qu'en fait, il est tradition de dire que le dénommé prince a ce type de piercing sur lui. Je parle sous le contrôle de la prof d'histoire. Je sais pas, là, c'est trop contemporain pour moi. Ah ouais, je savais pas qu'il aurait ça. Mais ça doit faire mal. Mais je sais pas, on l'appelle. Jeudi dans deux semaines, nous on l'invite. Non, dans une semaine même. Dans une semaine. Oh, ouais. Mais je bosse tout le temps. La semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on invite le prince et on lui demande. Bah ouais, effectivement. Bon, il m'en reste un, les enfants. Le téton, on l'a dit. Le téton, j'ai dit nombril. Non. Nombril, on l'a dit. Ah, la lèvre, là, en dessous, et puis l'arcade. Non. Ah, l'arcade, oui, bravo. Bravo, effectivement. Ah bah oui, ouais, très bien joué. Ah bah, du coup, je vais pouvoir. Je vais pouvoir en sortir un. Alors, ça, on l'a déjà fait. Attends, voir. Est-ce qu'on s'achèterait pas une petite édition du Trivial Poursuite pour les prochaines émissions? Ah oui. C'est pas mal. Peut-être un peu plus simple. C'est vrai que ce serait plus simple. Ouais. Et les questions, en général, sont plus rigoureuses, quoi. C'est vrai. Mais moi, après, je n'utilisais aucune réponse au Trivial Poursuite, ça, c'est certain. Bah ouais, t'auras pas de camembert. Ah non. Comment on fait? Ni de Munster. Ni de Munster. Comment on fait? Quel dommage. Allez, une petite dernière. De quoi peut-on être dépendant? L'alcool. Le sucre. Je ne l'ai pas, le sucre. De l'air. En vrai, on est tous dépendants à l'air. Bah ouais. Sinon, on meurt. Hein. Ouais. Bah ouais. De la drogue. De la drogue. Ouais. La drogue, toute confondue. Hein. Ouais. La drogue. Ok. L'amour. L'amour, le sexe, oui. On a dit la cigarette. Non, mais je prends et il en reste un. On a dit le sucre, tu m'as dit non. Le chocolat. Alors, qui est plus d'actualité ces 20-30 dernières années? La clim. Le portable, le smartphone. Ça, c'est vrai, plus, ça. Alors, ça peut être sur le portable, mais c'est pas le portable. Internet. Ça peut être sur Internet, mais c'est pas Internet en soi. Le porno. Contact humain. Non, bah ça, moi, je pense que c'est dans le sexe. Donc, de quoi peut-on être dépendant, hein? Je repose la question. De Tinder, de l'attention donnée. Non. C'est quelque chose qui est vraiment un fléau d'ailleurs chez les jeunes. Trouve au Lidl. Chez les jeunes. Tu peux acheter peut-être. Non, je crois pas. De cracher par terre. Non, pourtant c'est Devant une église. C'est vachement évident. Je suis dépendant à un truc là en ce moment. Je fais que. Est-ce que l'un de nous l'est? Ah ouais, est-ce qu'on est dépendant? Ouais, s'il te plaît, dis-moi. Ah, il a regardé Jocelyn. Moi je suis dépendant. Toi, un petit peu. Bah, les réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux. Le chat? Non, là vous tournez autour. Le Minitel 3615 code. Un câble RJ45. Non, effectivement, mais c'est pas ça, mais on y est presque. Hein. C'est vraiment. Et c'est un fléau, et donc je suis addict à ce c'est fléau. Pas un non, t'es genre, pas addict. Non, je suis addict à l'étude. C'est genre Facebook ou un truc. J'ai un garrot. Non. D'écrire ses SMS avec des abréviations. Il y a plein d'éditeurs qui profitent de ça, justement. Des éditeurs. Je lis pas, c'est pas possible que je sois addict à ça. Il y a plein d'éditeurs qui et c'est des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Addict au fait de tourner la page dans sa vie. Oh là, la page blanche. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Il faut bien Non. Alors ça se passe devant un écran quand même, hein, Gisèle. Hein, franchement. Là, De regarder des films, de Netflix. Non, pas de Netflix. De jeux vidéo. Bah voilà. Tout simplement. Mais en fait, c'est là, vous m'avez fait peur. T'as regardé la mauvaise personne, c'est pas Jocelyn, c'est moi. Bah ouais, moi je joue de temps en temps, mais pas sûr. Ah, je savais pas que toi. Et toi, Nadège, tu t'y colles, non? Non, moi je regarde mon mari faire. C'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal aussi. Non, tu regardes pendant des heures ton mari faire. Ah, vas-y, joue aux jeux vidéo, s'il te plaît, là, ouais. Ok. J'adore quand tu joues. Voilà. Ok. Eh ben, c'est déjà la fin de cette émission de rentrée. Merci, un grand merci à Nadège. Merci à vous trois de m'avoir aussi bien accueilli. C'était bien sympathique. Bah, c'est cool. Même en étant obligé, t'aurais pu ne pas le montrer. C'est très plaisir de recevoir ici. On a notre voix féminine. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, Priscilla sera disponible. Peut-être. Et si elle ne l'est pas, pensez à moi. Oh, mais pas de soucis. Comment ne pas penser à toi? Si tu es prête à venir de tes Vosges natales. Bien sûr. Ah, ben. Alors là, effectivement, je ne pensais pas que tu avais la possibilité comme ça de. On dirait que le contrat va être signé. Oh oui, ça sent le stylo. Des bisous, nous on se retrouve la semaine prochaine. Donc ça sera le 29, je ne m'abuse. Le temps passe. Puis après, la semaine suivante, ça sera la voisinade. Mais ça, c'est pas nous. Et non, ça, c'est pas nous. C'est plus haut. Bon. Allez, des gros bisous. Ciao. Bisous, ciao.